Exercice 12, page 93. C'était mon monde secret, et même si ma mère me demandait de temps à autre comment allait mon écriture, elle n'aurait pas trouvé grand-chose de positif à souligner.